au-delà du vécu de quartier. Sous format CD, de la street, j'ai le cursus. Rien à prouver à ces PD. Pas besoin de clasher pour un buzz de merde ou de sucer pour gratter des feats au M6 du moment. Pas de salive à perdre, voici la bête. Pas besoin de Bentley pour serrer la belle, lui faire goûter mon gars, si de sale nègre. Pas besoin de l'amour en stock d'une groupie qui m'idolâtre. Pas besoin des flics pour me sentir en sûreté quand je traîne dans de sales coins. Je viens pas du sud, mais je suis dirty. Ça joue les rarity, mais y'a plus de trous de balles que sur le corps de Jackson Curtis. Bien sûr que je suis pas un modèle pour les petits. Faites pas ce que je fais, mais ce que je dis. Comme disait Chuck D, au moins c'est Reg D. Les mythos parlent de kilogrammes quand les vrais loups essaient d'être crédits. Pas besoin de grimacer sur les taufs pour paraître crédible. Pas besoin de spiff pour avoir clean spiff, pas besoin de ça. 06, tu connais la suite si t'as besoin de ça. On va pas pleuver, tes mains, toutes les cailles se lever. Le son est dirty, le ghetto critique. Du gros son pour les caisses en cartrise. 45 sur les plaques, aux assurances sur le pare-brise. On se fait péter en récidive, nos banlieues sont écrasées, kiffants et rêves d'y vivre. Jesus, pour chier dessus, attends la fin de l'épisode. A tous les 9 against us, G-G-G-G-Jesus. Stress pas, si on te mate de verre trahi, qu'on se parle en messe-passe. Prépare-toi un truc, laisse pas, genre une S-Bot 6 ou 7 bar. J'sais que t'as peur, n'est-ce pas? Rafale de 16, t'ose pas. J'fais clic, clic et pfff. Miskin, ça se fait pfff. Puis tout morveux, baisse l'uniforme bleu, t'es perdu. Guerre, quand j'nique la France, c'est pas à toi, mais HP, j'en veux. Vise les genoux si c'est le seul recours quand y'a drame. Mais si tu poses l'arme pour éviter que le sang d'un frère ne coule, machin. Pas de test.